Qu'est-ce qu'une politique scientifique aujourd'hui? La science est revenue dans notre époque avec notamment les catastrophes possibles et parfois réelles comme la pandémie de coronavirus elle-même. La science est revenue au cœur de la politique. Elle est revenue au cœur des politiques qui doivent encourager et soutenir la science ou bien qui se trouvent aussi accusées d'être dominées par elle. La science est devenue un enjeu politique. On accuse parfois symétriquement la politique de ne pas avoir assez anticipé les catastrophes et par exemple de ne pas avoir assez financé les laboratoires de biologie ou de médecine ou de virologie et d'avoir laissé ainsi passer le virus ou bien au contraire on l'accuse d'être dictée, dominée par le savoir scientifique comme si elle ne faisait plus ses choix en toute liberté politique, en toute liberté démocratique. Mais en réalité, l'idée d'une politique scientifique est évidemment au cœur de nos sociétés sous plus d'un aspect. La science est en effet un des moyens que se donne une société pour répondre à ces dangers et d'une certaine manière, il n'y a jamais eu de société politique sans encouragement du savoir. Le rôle du savant, le rôle du clerc est dans les grandes anthropologies toujours nécessaire à côté aussi du soldat qui défend la société et du paysan qui la nourrit. Ces trois figures, le paysan, le savant et le soldat, sont sous des transformations diverses au cœur de toutes les sociétés. Mais que doit être une politique scientifique aujourd'hui? Bien sûr, elle doit être d'abord une politique qui permet la science, qui l'encourage, qui lui donne les moyens de plus en plus élaborés de sa démarche, et cela de peut-être dans tous les domaines. Une politique non seulement des sciences de la nature, mais des sciences sociales. Car comment, par exemple, une politique sera-t-elle socialement juste si elle n'est pas scientifiquement sociale, si elle ne connaît pas l'état de la société elle-même qu'elle prétend gouverner? La science, alors, est nécessaire à la politique qui, certes, ne s'y réduit pas. Mais il y a une autre dimension qui est apparu aussi dans les controverses récentes et qui est là aussi assez problématique et où certains voient un risque pour la science mais qui n'est peut-être qu'une protection de plus. C'est ce qu'on pourrait appeler la dimension sociale de la science. Il ne s'agit pas de réduire la science à un processus social car elle produit ses critères de vérité et elle les respecte et finalement elle atteint quelque chose du réel comme le montrent ses succès aussi et même ses échecs réfutés, ses erreurs. Mais malgré tout, la science est aussi juste que dans l'établissement de la vérité, une procédure sociale. Il y a des conflits entre les savants, des fraudes, et ainsi la loi doit aussi protéger la science contre ses propres risques, comme toute activité sociale, et pour permettre la vérité. Une politique scientifique, c'est donc une politique de tous les aspects de la science, des moyens pour accéder à la vérité, les institutions qui la protègent, les étudiants qui y accèdent, les règles qui la défendent, la loi qui converge avec la découverte scientifique pour permettre la vérité parmi les humains, la défendre non seulement contre les dangers du monde, mais contre les violences entre nous, contre les erreurs, mais aussi contre les manipulations et les fraudes. Et finalement, la politique scientifique préserve ce petit espace de vérité sans laquelle la vie humaine n'est à aucun égard possible.